Ferme-la, par contre, physiquement, ferme-la. Je ne discute pas avec toi, en fait. Ferme-la, t'as un con, ferme-la. Ferme-la. Ne parle plus, moi, ne parle pas. Ferme-la, physiquement, ferme-la. Tais-toi, ferme-la. Ah oui, mais ferme-la, non, mais. D'ailleurs, ferme ta gueule, tiens, comme ça. Tais-toi, ferme-la. Toi aussi, tu la fermes. Ferme-la, non, mais. Si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. En fait, il me faudrait 3 minutes au fun, comme ça, quand les gens disent la merde, ben, je pisse sur les culs, et hop. Félicitant Pano, ferme-la, hypocrite gros mytho. Ferme-la, moraliste vaniteux. Ferme-la, sale facho orgueilleux. Ouais, tous ferme-la, y'a la marre de t'entendre parler tout le temps. C'est tout pour t'éviter, hey, que les conneries montraient juste que tu fermes ta gueule un moment. Ça t'éviterait de prouver que t'es un abruti. Tout ton club merde, petit collègue que mal. Ben ferme ta gueule, si t'as rien à dire, ferme-la. J'aurais prouvé tes teintes, pas à refuser. Mais t'es toute manière, tu comprendrais rien. Tu resteras toujours cramponné à tes idées. T'aimerais une naissance, putain de consanguin. T'as tout fait, tout vu, tout vécu. Mais pour vrai, c'est quoi que tu taises. Tout le monde autour, on l'a raccule. Écoutez ton ramassis de foutaise. Mais dis-en parano. Oui, non, non, ferme-la, ferme-la, ferme-la à tout jamais, finiment. Je n'aime pas pourquoi j'écris cette chanson. Tu captes même pas que t'es concerné pour con. Je n'aime pas pourquoi je m'égosille comme ça. Allez, stop tout ça, là, ça me gave. Ça sert à rien, hop. Dernière chanson de l'album, c'est bon, c'est torché. Ouais, mais non, en fait, j'ai pas la fermer comme ça sur la dernière chanson de l'album. Moi, je la fermerai pas. Ça, mais tu sais quoi, va crever. J'ai rien à foutre, je vais péter. Allez!